m'aimes toujours, toujours de ma vie. D'être cerclé, je suis un peu la belle société. Là qui pense à faire plaisir, moi c'est juste la haine. J'attends ce dernier soupir pour niquer le système. Je suis un être plus loin, le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé celui de bosser les mauvaises. C'est toujours que j'étais un obsédé. Que si j'ai continué ça, je me punirai. A lui aussi je lui en dois une, je ne l'ai pas oublié. C'est pour ça que cette nuit je vais me faire tuer. Je suis un être filou et le dernier qu'il reste. J'ai toujours trouvé celui de passer les mauvaises. C'est juste la haine. J'attends ton dernier soupir pour niquer le système. Streamer toute ma putain de billet, tout ça pour que tu. Ouais, même si j'ai tout perdu, c'est toi qui l'as vaincu. Je suis un nécrophile, ouais, le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé sublime de penser les mauvaises. Des patrons, des contrôleurs, des membres propriétaires. Des cagnards et des docteurs et tout un ministère. Des juges, des fonctionnaires, tout ça tout ça je trouve plus. Pour faire ma vie un enfer, mais laisse-moi qui les encule. Je suis un être plus loin, le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé sublime de passer les mauvaises. Je suis un être plus loin, le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé sublime de passer les mauvaises.